Autour de moi, ça s'agite. La brigade. La brigade. Ouais. Qui est qui? Je me demande encore. La gagne. Les Kaira veulent devenir des rappeurs, les rappeurs. Hey, des Kaira. Mais où on va? Le bon veut devenir le mauvais gars. Dans mon 7-5. Avec une 8-6. On peut être plus dangereux qu'un membre du fils. On signe gratuit au moins 6 minutes. L'expresse d'M6 qui est triste. C'est que ça peut être par un petit défoncé avec son style. Qui visionne qu'être un homme, c'est se tenir les couilles comme Jackson. Ça impressionne qui le glaçonne. G. Pour ma communauté de morning. Borné à jouer les tournées, mais le diable adore les damnés. Amené à être condamné, ça me ferait chier, négro, d'aller à l'enterrement d'un futur brigadier. J'essaie de tenir la route comme la ZX, me préserve comme Manix. Je chante la gade, pas la belle de Cadix. État piège, mais mon œil de lynx voit le flou. Sans les taf le loup, je vois qu'on donne aux frères des taf relou. Ouvre les yeux, avant d'être vieux, agent de sécu, babysitter, McDo. Y'a pas d'avenir pour un black pro, la merde est partout. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien, le système s'accapare tout pour t'écarter, te mettre en aparté. Ce qui se passe vraiment dans le cœur des négros, nul le sait, nul en part, nul le film, même pas Arte. Je vis avec mon temps, content ou pas, contenant les coups bas. La vie m'a rendu lunatique comme Booba. La vie est dure, tu progresses ton temps. Négro, protège ton dos, y'a pas que le qu'on brûle. Les sont toujours prêts à te fumer. Veille sur ceux qui veillent sur toi et personne pourra. La vie est dure, tu progresses ton temps. Négro, protège ton dos, y'a pas que le qu'on brûle. Les sont toujours prêts à te fumer. Veille sur ceux qui veillent sur toi et personne pourra. Écoute, je persévère, négro, je persévère. Borné, je m'accroche à mes principes, inflexible comme un persévère. Y'a plus de symbolique autour de moi, mais je reste droit comme une antenne parabolique. Y'a pas d'éthique, je regarde les frères athlétiques. Ce cours, ces gars, c'est pathétique, laid comme du synthétique. Les noirs voient rouge comme des livreurs de pizza. Hut, ma mère flippe quand je bouge, caresse et bien que les types chahutent. Le sais-tu, les frères se plantent têtus. Qui es-tu? Le théoricien, mais les frères sont têtus. Hostile à nos styles, beaucoup trop subtils, disent-ils. Les frères se plongent dans toutes les boissons cons, disent-ils. C'est un des styles de nègres en recrudescence, sans aucune décence. Qui se voit un culte accru d'essence. Ça n'a pas de sens, si t'as pas de chance, on perd son canif. Les nègres te saignent à blanc et te laissent pâle comme salif. Qu'est-ta? C'est pas nif, qu'est-ta? Je sais ce qu'il a, trop de vidéos de serial qu'il a. Cours vite si t'es pas de leur zone. La vie est dure, tu progresses ton temps. Négro, protège ton dos, y'a pas que le qu'on brûle. Les sont toujours prêts à te fumer. Veille sur ceux qui veillent sur toi et personne pourra. La vie est dure, tu progresses ton temps. Négro, protège ton dos, y'a pas que le qu'on brûle. Les sont toujours prêts à te fumer. Veille sur ceux qui veillent sur toi et personne pourra. Certains se noient dans l'underground, moi je respire sans tuba. Entraîné par l'agent spécial, mon ennemi je les tue pas. Avec mes gars on représente la gagne. Et si mon style plombe, c'est seulement pour que la caille tombe. Dans la famille c'est... Je suis le gardien de mon frère. Personne n'avance dans le sens contraire. Fini de faire du petit, on agit en black boss. Frère perdu qui m'écoute, bouge ton sac d'os. C'est le 7-5 aka Fredo, mon ego trip est négro. Battant sur mes textes, reste intégro. 9-6. Partout y'a des Judas. Regarde Jésus-Christ, ton jaloux que tu as jusqu'à. Ton réseau itinéris, la félonie est riche. Affiche plus d'entrée qu'un film de David Lynch. Le con se plaît, car il s'y complaît. Hugo est un boss, même si tu lui coupes. À tes arrières, il y a un jeune Wesley, prêt à prendre ta place avant la fin de mon coup. Mon frère, veille sur moi. Regarde, je veille sur toi. La vie est une, tu progresses ton temps. Négro, protège ton dos, y'a pas que le qu'on brûle. Les sont toujours prêts à te fumer. Veille sur ceux qui veillent sur toi et personne pourra.